Le 7 octobre, le porte-parole du comité central de la Fédération des bouddhistes de Corée a publié un entretien qui dit « Malgré la protestation et la condamnation de tous les milieux sud-coréens, Park Geun-hye a arrêté une décision définitive sur la disposition de stades sur le terrain de golf de Songju de la province du Gyeongsang du Nord, où se trouve le lieu sacré du bouddhisme orthodoxe. Park Geun-hye, qui n'hésite pas à transformer la terre sainte de religion à être protégée particulièrement en base militaire des États-Unis, cela pour supprimer les compatriotes, est une proie américaine et une corrompue sans pareil. Si l'on n'empêche pas la disposition de Sat par les diables, la terre sainte du bouddhisme orthodoxe disparaîtra aujourd'hui, et demain, la religion elle-même sera bafouillée, et le territoire national de Trois Mêleries, berce de la vie des compatriotes, deviendra le champ de compétition des puissances, le théâtre de guerre nucléaire. La lutte des religieux sud-coréens contre la disposition de Sat est une guerre sacrée de la justice, la pratique pour la patrie et la nation, pour défendre non seulement la terre sainte, mais aussi la paix et la sécurité de la patrie, et pour ouvrir une nouvelle époque de la réunification indépendante, aspiration et vœu de tous les compatriotes. Le comité central de la Fédération des bouddhistes de Corée témoigne du soutien et de la solidarité absolue à la lutte des bouddhistes orthodoxes pour la défense de la terre sainte, et exprime la certitude que tous les croyants de Corée du Sud, épris de paix et de justice, s'engageront avec courage, au-delà des différences des religions, dans la lutte pour contrecarrer la disposition de Sat par Park Geun-hye, foyer du mal, et chasser les troupes américaines de Corée du Sud.